Le docteur Ferguson avait un ami, Dick Kennedy, un Écossais, dans toute l'acception du mot, ouvert, résolu, entêté. La connaissance des deux amis se fit dans l'Inde. Après son voyage au Tibet, le docteur resta près de 2 ans sans parler d'exploration nouvelle. Qu'a-t-il pu ruminer ainsi, se demanda Kennedy, quand son ami l'eut quitté pour retourner à Londres au mois de janvier. Il l'apprit un matin, par l'article du Daily Telegraph. « Miséricorde ! » s'écria-t-il. « Le fou, l'insensé, traverser l'Afrique en ballon, il ne manque plus que cela. Voilà donc ce qu'il méditait depuis 2 ans. » Le lendemain, Kennedy arrivait à Londres. « Comment, mon cher Dick, toi, à Londres, pendant les chasses d'hiver, qu'y viens-tu faire ? Empêcher une folie sans nom. Tu as parfaitement l'intention d'entreprendre ce voyage ? Parfaitement. Mes préparatifs ont bon trait, je... Où sont-ils que je les mette en pièces ? Où sont-ils que j'en fasse des morceaux ?